إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فالحمد لله الذي فرض الصلاة على عباده رحمة بهم وجعلها صلة بينه وبينهم. Toutes les louanges reviennent à Allah, celui qui a rendu la prière obligatoire à ses serviteurs, par miséricorde envers eux, et qui a fait que cette prière est un lien entre ceux-ci et lui-même, entre ses serviteurs et lui-même. فَنَشْكُرُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Alors nous le remercions, subhanahu wa ta'ala. وَالصَّلَاتُ عُمُودُ الدِّينِ. Et la prière est le pilier de la religion. فَكَوْنُ الْمُسْلِمُ مُحَافِظًا عَلَيْهَا عَوْنٌ كَبِيرٌ فِي الْقِيَامِ بِالْوَاجِبَاتِ وَتَرْكِ الْمُحَرَّمَاتِ. Et le fait que le musulman préserve l'accomplissement de la prière est une aide très importante pour l'aider à accomplir les autres obligations et à délaisser les interdits. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit wasta'inu bis-sabri was-salat. Aidez-vous de l'endurance et de la prière. Aidez-vous de l'endurance et de la prière. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit wa aqimis salat. Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Et accomplis la prière. Certes, la prière empêche l'accomplissement des turpitudes et du blâmable. فهذه الصلاة عباد الله مهمة لكل من أراد أن يستقيم وأن يترك ما نهاه الله عنه. Et donc cette prière est très importante pour toute personne qui veut suivre la droiture et qui veut délaisser ce que Allah a interdit. وَإِنَّكُمْ تَرَوْنَ. Et vous voyez, النَّاسُ مَشْهُولُونَ غَافِلُونَ. Les gens sont tous occupés par leurs occupations, ils sont distraits. وَهُمْ يَعْرِفُونَ أَنَّهُمْ مَأْمُورُونَ بِالْإِسْتِقَامَةِ. Et ils savent qu'il leur est ordonné de suivre la droiture. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit dans son livre قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوا. Certes, dis certes, je suis un homme comme vous. Je suis un être humain comme vous. Mais il m'a été révélé que votre divinité est une divinité unique. Alors suivez la droiture. Suivez le chemin de droiture qui mène à lui et implorez son pardon. فَنَحْنُ نَعْرِفُ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْنَا أَنْ نَسْتَقِيمَ عَلَى دِينِ اللَّهِ نُطِيعَهُ وَنَجْتَنِبَ مَا نَهَانَا اللَّهُ عَنْهُ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ يُفَضِّلُونَ الدُّنْيَا عَنِ الْإِسْتِقَامَةِ. Et donc nous savons, Nous savons qu'il nous est obligatoire de suivre la droiture dans la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala et que nous devons délaisser les interdits. Nous le savons, cependant, beaucoup de personnes préfèrent la vie de ce bas monde au suivi de la droiture. Et certes, Allah tabaraka wa ta'ala, il dit dans son livre, « Fa'amma man tara wa athara al-hayat al-dunya » فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. En ce qui concerne ceux qui ont transgressé, en ce qui concerne ceux qui ont transgressé et qui ont favorisé la vie de ce bas monde, alors certes, l'enfer est leur refuge. Mais en ce qui concerne ceux qui ont craint le fait de comparer devant leur Seigneur et qui ont empêché leurs âmes de suivre leur passion, alors certes, le paradis est leur refuge. Idan, istaqimu ayyuhal muslimun, fa innakum tu'minuna bi anna Allah sayuhasibuna wa yujazina aw wa yujazi kull wahid minna ala a'malina. Et donc suivez la droiture, ô musulmans, car vous avez tous la foi quant au fait que Allah va nous juger et va rétribuer chacun d'entre nous en fonction de ses actes. Antum tu'minuna bidhalik fa'malu bihi min al-an. Vous croyez en cela, alors œuvrez pour cela dès maintenant et n'attendez pas. Akhraj al-Imam Ahmed an Sufyan ibn Abdullah annahu qala ya Rasul Allah kulli fil Islam qawlan لا أسأل عنه أحدا غيرك. L'imam Ahmed a cité selon Soufiane, dans son Mousnad, selon Soufiane ibn Abdillah, qu'il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô messager d'Allah, dis-moi, concernant l'islam, une parole dont je ne demanderai à personne d'autre que toi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu en disant, قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ ثُمَّ اسْتَقِيمُ. Dis, j'ai foi en Allah, je crois en Allah, puis suis la droiture. Suis la droiture. فَأَنْتَ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَأَنَّهُ سَيُحَاسِبُكَ فَاسْتَقِيمُ. Alors, tu crois en Allah, tu crois qu'il va te juger, alors suis la droiture. فَلَا تَنْتَظِرُوا أَيُّهَا الْإِخْوَى وَالْأَخَوَاتِ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ فَاسْتَقِيمُوا مِنَ الْأَنْ. N'attendez pas, ô mes frères et sœurs. Vous croyez en Allah, alors suivez la droiture dès maintenant. وَتْرُكُوا الشُّبُهَاتِ الشَّيْطَانِيَّةِ فِي تَأْخِيرِ الْإِسْتِقَامَةِ لِأَنَّكُمْ شَبَابٌ أَوْ لِأَنَّهُ مَازَلَ هُنَاكَ وَقْتٌ. Et délaissez les ambiguïtés diaboliques quant au fait de retarder le suivi de la droiture parce que vous êtes jeune ou parce qu'il reste du temps. Beaucoup nous disent cela. Je sais que je dois me mettre dans le din. Je dois suivre le din. Mais, Inch'Allah, je vais le faire. Mais t'as, quand? Tu ne sais pas quand tu vas mourir. Tu ne sais pas, la mort, elle peut te venir subitement à n'importe quel moment. Alors, suis la droiture dès maintenant, mon frère. Dès maintenant, ma soeur, mon frère, n'attendez pas. Nous devons suivre la droiture avant de mourir et nous ne savons pas quand nous allons mourir. Allah tabaraka wa ta'ala, il dit dans son livre, فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. Alors nous les avons soudainement pris, nous les avons soudainement saisis, sans qu'ils ne s'en rendent compte. Combien sont morts sans s'en rendre compte? On ne sait pas. Sur un terrain de football, il pensait à gagner son match ou perdre son match. Le pire, je perds mon match. Il meurt. Une fête ou autre, combien ne s'attendaient pas à ce que la mort les saisisse à ce moment? Fais-la tentadiru, alors n'attendez pas mes frères. N'attendez pas mes frères, nous devons nous reprendre le plus tôt que possible. As'alullah tabaraka wa ta'ala an yubarika lana wa an yaghfira lana innahu huwa al-ghafuru al-rahim. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، كثير من إخواننا غارقون في المعاصي قائلون إنهم سيرجعون ويستقيمون، لكن متى؟ Serviteurs d'Allah, beaucoup de personnes sont noyées dans les péchés, disant qu'ils vont revenir et qu'ils vont suivre la droiture. Cependant, quand? Ba'd al-maut, après la mort. Il n'y a pas d'œuvre après la mort. Il n'y a pas d'œuvre après la mort. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit dans son livre, Hatta idha jaa ahadakum al-maut, qala rabbi irji'un. قال رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت. Jusqu'à ce que la mort vienne à l'un d'entre vous et qu'il dise, ô Seigneur, permets-moi de revenir afin que je puisse faire du bien dans ce que j'ai délaissé. Afin que je puisse faire du bien dans ce que j'ai délaissé. Mais c'est trop tard. Il n'y a pas d'œuvre après la mort, ya ibad Allah. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit dans son livre, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabl an ya'ti ahadakum al-maut fayaqul rabbi lawla akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akun min as-salihin wa la yu'akhir Allah nafsan idha jaa ajaluha. Il dit tabaraka wa ta'ala dans le sens raccroché, et dépensez de ce que nous vous avons accordé avant que ne vienne à l'un d'entre vous, avant que la mort ne vienne à l'un d'entre vous, et qu'il dise, ô Seigneur, si tu retardais ma mort, si tu retardais un peu ma mort, afin que je puisse faire des aumônes, et que je puisse être parmi les pieux, mines salirin, wa la yu'akhir Allahu nafsan idha jaa ajaluha. Et Allah ne fera pas retarder la mort d'une âme lorsque son temps est arrivé. C'est trop tard. Lorsque la mort est venue, c'est trop tard. Tu ne pourras pas œuvrer. Alors, istaqim min al-an. Suis la droiture dès maintenant. Wa ba'du an-nas yara ma'asi kal jibal. Certaines personnes, ils voient leurs péchés comme des montagnes. Ils disent, la yumkin, c'est pas possible. La yumkin, je peux pas aller à la mosquée comme ça, j'ai trop de péchés. J'ai trop de péchés, je suis pas propre. C'est pas possible, tu lui dis, akhi. Nadour, appelez-le et dites-lui, c'est pas trop tard, Yahri. Mahma fa'alt, peu importe ce que tu as fait, tu peux te repentir. Tu peux te repentir. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit, Qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim, la taqnatu min rahmatillah, inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a, innahu huwa al-ghafurur rahim. Dis, ô mes serviteurs qui se sont fait injustice à eux-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. Innahu huwa al-ghafurur rahim. Il est certes al-ghafur. Al-ghafur, celui qui pardonne tes péchés percés. Tous ces péchés que tu as accomplis, tu veux aujourd'hui l'istiqama. Tu veux te mettre sur la droiture, aujourd'hui tu peux le faire. Peu importe les péchés que tu as faits. Il pardonne tous les péchés passés. Rahim, miséricordieux. Annahu yahfadhuk wa yuwaffiquk fil istiqamati wa tarki al-muharramat fil mustaqbil. Le miséricordieux, celui qui va te préserver et t'accorder la réussite dans le fait de suivre la droiture et de délaisser ce qu'il a interdit, et cela dans le futur. Alors repens-toi à ton Seigneur, aujourd'hui. Il est certes le pardonneur, le très miséricordieux. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum min kulli dhanb innahu huwal ghafurur rahim wa aqimus salat.